Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chouanet à l'animation pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le bon rock progressif. Donc Bruno nous a préparé, comme à l'habitude, là, un super choix musical où on va se régaler avec ce qui se fait de mieux depuis les 10 dernières années, si on veut, dans les dernières années, dans le rock progressif. Et ça nous permet de retourner des fois, de voir, d'écouter des pièces qu'on n'a pas entendues depuis longtemps. Alors, on débute avec, sur un projet de Musea, Diallo, One Suite for the Murderer. Donc ça, c'est un projet qui est basé sur des films. Et il y a le groupe Floating State qui interprète une pièce sur ça. Alors, la suite dall'Incontio dell'Assassino. Alors, vous comprenez que ce sont des films de meurtriers. Alors, on débute avec Floating State, avec cette longue suite. Et ce sera suivi du groupe Mogador, tiré de l'album All I Am Is Of My Own Making, la pièce So Cold. On y va tout de suite en musique. Et ben, on vous rappelle également, n'oubliez pas, si vous voulez aller faire un tour au Festival Terra Incognita, il reste des billets pour le vendredi et le samedi. Donc le vendredi, RPVL avec Pink Floyd, un spectacle qui a été présenté à quelques reprises en 1969, et c'est à voir. Et le samedi, il y a les groupes Able Gans, il y a également Inner Odyssey de Québec et RPVL avec leurs pièces. Alors, manquez pas ça, c'est au Centre d'art La Chapelle les 20, 21 et 22 mai prochains. Alors, on y va tout de suite en musique avec Floating State. Qualcosa

corsa dal delirio e abbandono nel petto di chi ti stava accanto e che ora ti guarda. scende nel baratro, nel baratro, nel baratro, nel baratro, baratro e delirio, baratro, nel baratro, nel baratro, nel baratro, nel baratro e delirio. Meschinità nell'aria scura, mani volevo nel mio sguardo rinchiuso, e ogni intento fu derubato, soggiogati i miei sogni di ormai vana celebrità. Ma mio figlio no, lui mi proteggeva dell'ingenuità. Intelligence would make soirée vous est présentée par La Barberie. Que se passe-t-il lorsque les brasseurs de La Barberie rencontrent d'autres brasseurs de microbrasserie du Québec? Moi, je mettrais du blé. Moi, je mettrais une levure spéciale. Ouais, une levure belge. Moi, je la ferais vieillir longtemps. Moi, je mettrais de l'eau. Peut-être une épice, hein? Non, pas d'épice. Du kiwi. Ouais, du kiwi. Je mettrais du houblon de Nouvelle-Zélande. Du Nelson. Donc, on s'entend, les amis. On brasse une smash, une quadrupelle, une IPA belge et une sure au kiwi. Surveillez l'arrivée de nos quatre bières collaboratives à labarberie.com. Et cette soirée de bon rock progressif vous est présentée par Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet. Et c'est l'émission Terra Incognita et c'était donc un duo italien avec ce qui avait terminé, c'était Mogador. Tiré de All I Am Is Of My Own Making, c'était So Cold, précédé d'une longue pièce du groupe Floating State, tiré de Giallo, One Suite for the Murderer, un projet musée paru en 2008. Et on vous invite à venir visiter notre site web www.terraincognita.québec pour avoir tous les détails, également les contenus des émissions, voir tous les détails également sur le festival Terra Incognita qui aura lieu dans 3 semaines, le 23 mai. Plutôt le 20, 21 et 22 mai prochain, voilà, au Centre d'art La Chapelle. Alors, on poursuit en musique avec Glasshammer, qui nous avait visité d'ailleurs l'an dernier. Glasshammer, tiré de leur album If, avec la pièce If the Sun, et ce sera suivi du groupe de la Grèce, La Tulipe Noire, tiré de Matricide, de leur plus récent album, la pièce No Heart. Allons-y tout de suite avec Glasshammer. We'll be right back. guess all along all was darkness, all was shadow and light. Who led me here? Who carried me away from there? I sensed a presence. Thought of as home was just a place of gloom and wandering. See, see to me, please sing. Whether I had run my way, it mattered not. No, for I knew I was close, all would be answered, and my heart would find its rest. For here I find myself at journey's ending. Sweetly came that song, growing now and strong. High up that mountain peak, everything I once knew.

32e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 19 au 22 mai 2016. Au programme, le quatuor Bozzini avec Kim Meir, Julie Tippetts et Martin Archer Ensemble, Tania Tagak avec The Element Choir, Tony Wilson, John Zorn, George Lewis, Musica Electronica Viva et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concert, un circuit d'installation sonore dans l'espace public et une exposition d'art visuel. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. Du 19 au 22 mai 2016, venez à Victo vivre l'expérience du 32e FIMAV. 89.1 CKRL Québec. Et de retour avec Bruno et Marc à l'émission Terra Incognita. Et ce que vous avez entendu juste avant la pause, c'était La Tulipe Noire, un groupe de la Grèce tiré de Matricide, leur plus récent album. Et c'était précédé de Glasshammer, un groupe américain. Vous avez peut-être reconnu John Davison, où vous vous êtes dit, hein, il chante un peu comme John Anderson de Yes. Donc il est maintenant chanteur de Yes. John Davison. Puis de son côté, John Anderson, lui, il est avec Jean-Luc Ponty, puis ils font une tournée. Donc ils sont à Québec le 27 juin. Il y a également Peter Hamill qui va être à Québec. Il peut venir une fois par 9 ans, puis peut-être que c'est la dernière fois qu'il va venir. Donc à ne pas manquer à la salle Sylvain Lelièvre, Peter Hamill, donc le 2 juin. Et à Montréal le premier. Et donc on y va en musique avec le groupe français Nemo, tiré de Barbare, la pièce éponyme. Et on aura un court extrait de l'album de Ben Craven. Ben Craven qui fait paraître un nouvel album. Là, on aura des pièces pour vous certainement dans les prochaines semaines. Donc on y va tout de suite avec Nemo. Thank you.

natural selection. The hero returns again. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Tu es mon amour depuis tant d'années. C'est là que le bonheur est l'objet d'une quête. Tu es mon amour depuis tant d'années. C'est là que le bonheur est l'objet d'une quête. La Barberie. Tu es mon amour depuis tant d'années. Et oui, de retour donc avec Bruno et Marc pour la dernière demi-heure de l'émission Terra Incognita. On va regarder un peu ce qu'on a écouté juste avant. Il y avait un petit extrait, donc un court extrait de Ben Craven tiré de son second album Great and Terrible Potions. La pièce Nobody Dies Forever Part 2. Et juste avant, une très bonne pièce du groupe français Nemo tirée de Barbare. En fait, c'est la pièce éponyme de cet album. Je pense que c'est un de leurs meilleurs, franchement, c'est un de mes préférés. Donc, on poursuit pour la dernière demi-heure avec Twin Age d'abord, tiré de Month of the Year, New Gate. Ça, c'est vraiment ce qui est un groupe de la renaissance du prog dans les années 90. Ensuite, Unreal City, qui seront avec nous dans trois semaines au Festival Terra Incognita, tiré de la Crudelta d'Aprile. Et on aura une autre pièce de Ben Craven. Alors on y va tout de suite en musique avec Twin Age. Walking through the walls of dust, perished by the Lord of Touch, resisting the air halfway through pathways of glass. gettato via, perduto nella luce eterna di un'altra età. Nessuno sa se finirà la sua poesia. Dove andrai non c'è verità, cala la nebbia su di lui. Ora è pronto per andar via, sentieri impervi per campi bui. On entend là, c'est Ben Craven, c'est un artiste de l'Australie, tiré de Great and Terrible Potions, qui était son véritable premier album, son second album, et en fait, on le découvrait avec cet album-là. Il en a réalisé deux depuis, dont un tout nouveau qui vient de paraître, et c'était la pièce No Specific Arm. On avait eu Unreal City de l'Italie, La Crudelta di Aprile, leur premier disque, c'était la pièce Dove la Luce e più intensa. Et on avait eu Twin Age de la Suède là, qui avait débuté le bloc musical. Alors, c'était un choix musical de Bruno Côté, qui était également à la mise en onde, Marc Chaunet à l'animation, en cette édition du 30 avril 2016 de Terrain Incognita. Alors, on vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute dans quelques instants avec Vincent Delisle. On vous dit bonne semaine et à la semaine prochaine. Vous a été présenté par La Barberie. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Le Cécile Ramon est fier de vous présenter Paul Deslauriers Band en spectacle. Yeah, you got to give your love to me. Fier récipiendaire de 13 Liz Blues et de plusieurs Maple Blues Awards, le Paul Deslauriers Band se produira un soir seulement à Québec et c'est chez Cécile Ramon que cet événement blues d'envergure aura lieu. Le 6 mai prochain, vous avez rendez-vous avec un groupe phare du blues canadien. Les billets sont en vente chez Cécile Ramon au coût de 15$ plus taxes en pré-vente et l'admission régulière est de 20$ plus taxes. Pour information et réservation, 418-681-7625 ou sur cécileramon.com. C'est un signal. Toujours mes larmes de métal. Montréal New Wave, retour vers le futur. Qui vous dit que je n'en mourrai pas? Ne